Lundi 20h, 21h. Stéphane Corcoran et Baptiste Brunello. Est-ce que ça se discute sur la radio du mamie? Est-ce que ça se discute? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux envoyer la musique? On commence à parler du procédé? C'est la dernière fois, j'avais un peu de cumbia, et puis après on arrivait sur la parole, donc ça fait qu'on aura au montage le générique. Un peu de musique, puis on commence à parler. D'accord, ok. Tu le rajoutes après? Non. Le générique, ouais. Oui, mais là, donc tu vas lancer le son d'ambiance, et moi je lance l'enregistrement, je lance le son d'ambiance, et on commence à dialoguer via le logiciel de synthèse vocale. Alors on aurait dû peut-être enregistrer déjà ça, tu vois. Donc si tu lances le son, on se redit ces choses-là, viens pas. Non, ça y est, c'est fait. Je pensais que tu le faisais. Tu le faisais? Ouais, je le faisais. Depuis tout à l'heure? Oui. Depuis une minute. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas très fort en fait, on verra s'il y a une différence de volume, mais c'est pas grave. Ok, donc là moi je lance la piste. Ouais. Bonjour Stéphane. Ça va Baptiste? Ensemble cette semaine. Oui, Merck. Oui, merci. Est-ce que ça se discute? Eh bien, on va voir ça. Tout de suite. C'est le troisième numéro de l'émission. Un dispositif encore un peu particulier. Mais encore une fois, nous sommes là, face à face. C'est le choix de la contrainte formée qui s'impose. C'est un exercice très amusant, nous devrions pouvoir nous régaler. Tu tapes vite. Écoute, je te propose de rentrer dans le vif des sujets. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Merci, je ne tape pas plus vite qu'un autre. C'est gentil, mais il ne faut pas. Je trouve que l'intonation interrogative n'est pas terrible sur le... Ah, c'est encore pas, c'est... Quand j'essaie de poser une question, je n'entends pas la question. Ça dépend peut-être des personnages. Est-ce que c'est en train de trop de confusion de changer de personnage? Est-ce que ça se discute l'interro? En effet, oui, c'est un peu marqué, oui. Je peux changer de personnage, en cours, je pense. Quel bilan fais-tu de la dernière émission? Nous n'avons qu'à commencer à en parler, tiens. Qu'en a pensé le directeur d'antenne? Il me semble qu'il avait apprécié. Y avait-il beaucoup d'auditeurs? aucune idée. Toutes ces questions qui s'entrechoquent dans ma tête. En ravange comme tu le disais. Pardon. Il fut question de contraintes formelles et nous n'avions pas pu y échapper. Tu avais raison en ce sens. Ça peut arriver occasionnellement. Aujourd'hui, le tour risque d'être un peu compliqué. Mais ce qui me plaît dans cette notion, c'est que la forme conditionne le fond sans aucun doute. Oui, je crois être d'accord, car je ne sais pas encore tout ce que tu en diras. Pardon ? Pour la dernière, je n'écoutais pas bien. Le jeu peut en effet consister à anticiper ce que va dire l'interlocuteur. Nous allons devenir dactylo. Oui, il faut, pour plus de rythme d'abord. Crois-tu, Anne ? Crois-tu ? Crois-tu ? Crois-tu ? Crois-tu ? Ici aussi, c'est un exercice qui traite indirectement des préjugés, si on tire un peu. Si on tire un peu sur quoi ? En effet, le fait d'anticiper la réponse de l'autre. Pas sur le papayou tout de même. Si on tire sur le concept, voulais-je dire. Ah, le concept. Ah, ben oui, ça commençait à me régaler, et j'ai le sentiment qu'on tient un truc. À propos du choix de la musique. Pourquoi la cumbia ? Oui, je n'ai pas réfléchi longtemps. En fait, j'ai une vieille playlist. Et, logiciel de synthèse vocale, on ne dit pas la cumbia ? On dit la cumbia. Une vieille playlist qui date de l'époque où je travaillais dans le milieu des musiques latines. Anime. Qui faisais-tu ? Je travaillais pour une maison de tango argentin. Or, j'ai été confronté à toute la culture sud-américaine. Du point de vue de la pratique, ça peut faire penser à un débat dans les commentaires YouTube. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais les premières lettres que je tape ne s'affichent pas, et donc ne sont pas lues. E. Non. Oui. Et ordinateur de synthèse vocale. En effet, puisqu'il s'agit de choses écrites. On ne dit pas YouTube. En effet, puisqu'il s'agit de choses écrites. On ne dit pas YouTube. Si. Tu aimes ? Tu passes un bon moment ? Je lutte pour l'instant, mais ça va s'arranger au fur et à mesure. Je cherche ma voix. Les gars, je vous entends. Ne soyez pas si timides. Il faut balancer un peu. Ah, Carmela vient d'entrer dans la chambre. Bonjour les copains. Carmela est notre colocataire. Bonjour les copains. Carmela est notre colocataire. Que faites-vous ? Bonjour Carmela. Nous débattons. Oui. Et c'est bien ? Vous aimez animer des émissions de radiophonie ? Laisse-moi me poser la question un instant. Oui, mais à certaines conditions. En fait, c'est une impro ? Oui, mais à certaines conditions. Vous êtes super. Oui, mais à certaines conditions. Je suis si content de vous connaître. Oui. A-t-on payé le loyer ? Oui, mais à certaines conditions. Il faut que l'émission prenne un peu de rythme, tu ne crois pas ? Qu'avais-tu pensé, Baptiste, du débat sur l'école du riage ? J'avais trouvé ça très bien. Surtout ta réponse. Il me semble que le procédé formel mettait en avant l'importance du questionnement des sources. Fait, il m'intéresse de prendre la peau de celui qui arrive avec une idée qui sera contrée. Je ne comprends pas. Peux-tu préciser ? Oui. oui, j'avais fait le choix de ce texte à charge, parce que j'avais un doute tout de même sur l'origine de ce mouvement. Mais tu m'as fait du bien. Un peu comme dans L'inconnu du lac. Et plus que de se questionner sur les sources. Il était pour moi question d'hypothèse. Du point de vue technique, je contrôle le niveau d'enregistrement en même temps, tout se passe bien. Quand les gens ont la foi, ils l'ont, les détracteurs ont une connaissance du concept de foi, mais non pas de foi. Oui, c'est bien pour le volume. Tu travailles bien, tu es technicien et animateur, comme au début de l'art. On passe un bon moment. Et n'est content. Et aussi sur le fond, je trouvais ça bien de renvoyer à l'idée que les débats ne résolvent jamais tellement grand-chose dans le cadre médiatique. Oui. J'ai entendu Jérémy Narby parler hier. Qui est-il ? C'est un très bon anthropologue. Que disait-il ? Il est sujet à controverse. À cause de ce qu'il disait, il est un spécialiste et acteur investi du chamanisme. Ah oui, je vois. Et donc, que disait-il ? Oui, il est souvent balayé du coup, Acre. Il est un peu inquiétant pour nous les blancs-becs. Oui, il est souvent balayé du coup, car il est un peu inquiétant pour nous les blancs-becs. Et donc, que disait-il ? Il dit une quantité impressionnante de bonnes choses. Il est agréable à écouter, il est renversant de méticulosité. Moi hier, j'ai fait du covoiturage avec un jeune socialiste. C'est un scientifique. Il n'était pas impressionnant de méticulosité. L'équilibre. C'est un scientifique. Il respire le bon état, l'équilibre. Le chamanisme. Les socialistes ne sont pas les couteaux les plus aiguisés des boîtes. Certainement pas. Je t'enverrai le lien vers Narbi. Il passe qui dans une émission terrible sur la RTBF. Si tu mets un lien dans le logiciel, les auditeurs pourront la voir. Cette émission s'appelle Nom de Dieu. Nom est Dieu au pluriel. Je demande. Il s'agit d'une émission de soir. Je ne peux pas trouver le lien là comme ça. Très bien, nous verrons ça plus tard. On le fera mettre sur le site par Guillaume, notre chien. Penses-tu que nous trouverons une forme définitive pour l'émission ? Non, on rigole bien, mais qu'en est-il de nos auditeurs ? Ah oui ? Ah oui, on rigole bien ? Je ne sais pas s'il faut chercher une forme précisée. Il ne s'agit pas forcément de chercher. En fait, c'est à chaque fois un exercice différent et on étudie. Oui, mais... Le but n'est-il pas d'apprendre et d'expérimenter ? Parfois, on s'enlise dans une forme. C'est un écueil très courant. Oui. Oui, alors veux-tu y rester ? Résister. Eh bien, la facilité, le manque de temps, le succès. Résister, pardon ? Eh bien, la facilité, le manque de temps, le succès. Oui. Conduisent à se répéter. Con Calogero. Surtout lui. Mais nous ne nous répétons pas en fait. Si, tu te trouves. Oui, mais à certaines conditions. Tu joues du copier-coller. Je me coupe, colle des phrases type. Tu joues du copier-coller. Je me coupe, colle des phrases type. Tu joues du copier-coller. Coller. Oui. Oui, et alors ? Je suis complètement d'accord avec cette idée, mais la notion de celui qui dit qu'il aurait tort de ne pas se laisser pourchasser par les ennuis et le contraste grandissant des erreurs du passé et où du futur doit savoir se faire visiter intrinsèquement. Tu as été sur Google. Non, une impro. Bravo. Donne-moi un thème et hop, je te montre que je peux. Le débat qui occupe l'espace public ces jours-ci. Oui. C'est la grève des trains. En effet. En France. En France. Je suis français. Mais il n'y a pas de débat médiatique. Au contraire. Je suis né dans le Jura. Il y avait deux trains. Et tu allais passer ton bac en train ? Je crois que le terme de grève est un sujet tout fait en soi. Oui, je prenais le train pour aller à l'école. Mais je n'ai pas passé mon bac alors, je m'en fous. On voit où ça t'a mené. Toi, tu t'en fous des autres, ou pas ? C'était à cause de la grève que tu n'as pas passé ton bac ? Moi les autres, ça dépend lesquels. Moi je suis un humaniste, je le sens de plus en plus et non, pas à cause de la grève. Je n'avais pas le niveau requis. On est tous altruistes quand on est colosse comme moi, et toi ? Colosse ? Coulo. Colosse. C'est ping-pong ? Coulosse. Coulosse. Coulosse. Vois qu'il ne lit pas les doublots. C'est un jeu en soi de trouver la manière d'orthographier les sons. Genre culo égale colo. C'est culos. Oui. Oui, mais à certaines conditions. Et tu écris oui avec U et I. N doit aller plus vite. On doit aller plus vite. Quelle est la fonction initiale de ces logiciels de synthèse vocale? Les gens vont finir par s'ennuyer. Non, car la musique est bonne. Je pense que c'est pour les muets au départ. Et ensuite pour les coulots. Coulos. As-tu le sentiment d'être coulos toi-même? Pas en ce moment. Moi, je ne me sens pas coulot du tout. Et je rigole bien. C'est une épreuve de tous les instants. Pourtant, tu m'étonnes. Je suis un peu stupéfait. Ça pourrait être intéressant à plusieurs, non? Plus que de je m'entends. C'est vrai que ça dynamiserait, mais il y aurait aussi plus de chevauchement. Oui, en effet. Quand tu tapes une longue phrase, ça met plus longtemps à mouliner. Nous avons trouvé le rythme, en fait, c'est ce qu'on croit. Coulo. Mais je crois que c'est pas évident à écouter. À chaque émission que nous avons faite. Mais si, je quand plaisante. Quand on me demande. Bien entendu que c'est évident. Quand on me demande. Qui? Je dis. Mais qui te demande quoi? Quelle est la nature de l'émission? Je dis que ça met l'auditeur à l'épreuve. Moi je dis que c'est de ta faute si elle n'a pas de nature. À chaque fois. Tu dis ça à chaque fois. Je rigole. Je rigole. Tu dis ça à chaque fois. Non. Tu dis ça à chaque fois, et c'est pas cool. Coulos. Tu dis ça à chaque fois, et c'est pas cool, ça clopard. Coulos. Coulos. Tu dis ça à chaque fois, et c'est pas coolo, salopard, moi je fais des efforts. Tu dis ça à chaque fois, et c'est pas coolo, salopard, moi je fais des efforts, et ils ne sont pas récompensés. Tu as vu la rencontre qui opposait la France au Honduras ? C'était comment dire ? Je ne veux pas parler de foot ici. Mais bon... Alors pourquoi en parles-tu ? J'aime bien ce groupe. La France ? Sauf Evra. Oui. Deschamps m'impressionne physiquement. Le fameux débat sur Evra. On dirait un petit chaman. Deschamps. Il n'a pas fini d'en entendre parler de On n'a pas fini d'en entendre parler de Deschamps, le petit chaman. Ils sont tout jeunes et plus humbles. Pardon ? Que les anciens. Les nouveaux joueurs sont plus calmos. Moi je trouve qu'il y a du gros progrès dans les tenues. Les nouveaux joueurs sont plus calmos, il le fallait. Les nouveaux joueurs sont plus calmos, il le fallait, ils sont bien briefés. Oui, moi je trouve qu'il y a du gros progrès dans les tenues des footballeurs. Oui, enfin. C'est très saillant. Les Italiens ont toujours eu beaucoup d'avance. Quand tu dis qu'ils sont plus calmos, tu veux dire calmos ? Quand tu dis qu'ils sont plus calmos, tu veux dire calmos ? C'est ça ? Déjà en 2002, ils avaient les tenues Colanté Strike. Oui, c'est ça. Oui, je connais ton parti pris pro-italien. Mais je m'en fous un peu en fait. Tu es pro-italien. J'aime le bon jeu. Et pas seulement pour le foot. Balotelli. Et c'est coolos. Tu es pro-italien pour le déodorant, la chanson. As-tu un œil sur l'heure ? Oui. Tu aimes cette chanson ? Tu n'en sauras pas plus. Ok. Thank you. On écrit beaucoup de choses inutiles, mais utiles au fond. Oui, mais à certaines conditions. On ne voit pas nos fautes d'orthographe ici, c'est coulos. C'est coulo. J'ai envie de changer de voix pour changer de personnalité. Tant que tu restes calme. Ça va bien. Me voici un autre. Me voici un autre. On se chevauche beaucoup, sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots. J'ai choisi 4 phrases et je vais les utiliser exclusivement quelques minutes durant. J'ai choisi 4 phrases et je vais les utiliser exclusivement quelques minutes durant. Tu connaissais pas celle-ci. Tant que tu restes calme, ça va bien se passer. Tu fais des copier, coller. Tu me fais parfois penser à Michel Leb. Tu touches beaucoup aujourd'hui. Tu me fais passer à Bernard Tapie. Tu me fais parfois penser à Michel Leb. J'aime pas Michel Leb quand il chante. Eh, j'aime bien son état d'esprit. Tant que tu restes calme, ça va bien se passer. Quand il joue avec le Kumbazi Orchestre. Les coulos. Qui Michel Leb? On parle de... Qui Michel Leb? On parle de quoi? Qui Michel Leb? Ben oui. De Michel Leb? Oui. Oui, mais à certaines conditions. Michel Bouzna, Michel Gondry, Michel Laroff. Sampler, c'est tricher. Il est con. Que de con l'aime Michel. Et Michel Chin, alors? Ils sont tout concombre, tout. Et Michel Chin, alors? Ils sont tout concombre, tout. Et Michel Chin, alors? Ils sont tous concombre, tout. même Michel Chien. Même le grand Michel Chien. Je vais changer de voix, car je ne suis pas un raciste. Même le grand et beau Michel Chien. Même le grand et beau et délicieux Michel Chien. Oui, j'aimais beaucoup Guillaume Chien et Maya Chien. Même le grand et beau et délicieux Michel Chien, le programmateur du Momi. Oui, même il le grand est et beau et délicieux Michel Chien, le programmateur de la radio du Momi. Oui, il est super. Même le grand et beau et délicieux Michel Chien, le programmateur de la radio du Momi, cette super radio sur Internet. Il aime beaucoup les programmes du Momi. On pourrait à chaque fois ajouter des choses, telles que tu le fais pour faire des phrases longues. On pourrait à chaque fois ajouter des choses, telles que tu le fais pour faire des phrases longues et belles. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. On pourrait à chaque fois ajouter des choses telles que tu le fais pour faire des phrases longues et belles. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça, on ajoute. Ça commence comme ça, on ajoute un bout. On pourrait à chaque fois ajouter des choses, telles que tu le fais pour faire des phrases longues et belles et sympatoches. On rigolerait en plus, mon ami. Ça commence comme ça, on ajoute un bout, on ajoute un bout de phrase. Ça commence comme ça, on ajoute un bout, on ajoute un bout de phrase, et c'est super cool. On pourrait à chaque fois ajouter des choses, telles que tu le fais pour faire des phrases longues et belles et sympatoches. On rigolerait en plus, mon ami. Tu es mon ami. Ça commence comme ça, on ajoute un bout, de phrase, et c'est super cool. Oui, tu as bien raison, mon poteau. Ça commence comme ça, on ajoute, ça commence comme ça, on ajoute un bout, de phrase, et c'est super cool. Oui, tu as bien raison, mon poteau, mon vieux poteau. Oui. Comment arrêter la lecture? Oui, on aime. Oui. On lit. Oh, oh, oh. On like. On like. C'est drôle et sexuel. Quoi donc? Cette conversation? J'ai vu le film Le Tatoué hier. Louis de Funès, Jean Gabinou. Tu me fais parfois penser à Michel Leeb. J'aime pas Jean Gabinou. C'est étonnant comme le tatouage est devenu mainstream. Mainstream. Mainstream. Avec ma nouvelle voix, je me sens plus apte à discuter, c'est drôle quand même. Oui, mainstream. C'est que tu as plus confiance en toi. Oui. C'est que tu as plus confiance en toi. Oui, et pour cause. Plus et pas plus. Plus et pas plus. Oui, et pour cause. J'ai horreur de ma voix véritable, même si elle est très suave. Tu es très sexy avec cette voix. Tu es très sexy avec cette voix, très suave. Oui, et pour cause, j'ai horreur de ma voix véritable, même si elle est très suave. Merci. Tu es très sexy avec cette voix, très suave. Malheureusement, je te vois. J'ai horreur de ma voix véritable, même si elle est très suave. Merci beaucoup. Tu es très sexy avec cette voix, très suave. Malheureusement, je te vois, juste en face de moi. Merci beaucoup pour te moquer ainsi de mon aspect extérieur. Tu es très sexy avec cette voix, très suave. Malheureusement, je te vois, juste en face de moi, et ça correspond assez mal. Tu es très sexy avec cette voix, très suave. Malheureusement, je te vois, juste en face de moi, et ça correspond assez mal. Ce n'est pas que je me moque. Merci beaucoup pour te moquer ainsi de mon aspect extérieur, mais je sais que si tu étais une femme, tu apprécierais de m'entendre ainsi parler. Ce n'est pas que je me moque. Ce n'est pas que je me moque. Merci beaucoup pour te... Je sais que si tu étais une femme, tu apprécierais de m'entendre ainsi parler, car tu aimes mon fort intérieur. Ce n'est pas que je me moque, tu ne corresponds pas à ta voix. Ce n'est pas que je me moque, tu ne corresponds pas à ta voix, et ton fort intérieur est doux et suave, oui. Tu apprécierais de m'entendre ainsi parler, car tu aimes mon fort intérieur, car tu aimes peut-être davantage ma personnalité. Ton fort intérieur est doux et suave, oui. Ton fort intérieur est doux et suave, oui, comme ta personnalité. Supposition. Oui. Mais encore... Tu parles espagnol. Question. Oui. Mais encore. Tu parles espagnol? Un peu. Depuis quand? Ma mère est espagnole. Moi non, mais je comprends. Depuis toujours un peu. J'ai vu Kebza de Vaca hier. Pardon? Un film super. Le titre? Cabeza de Vaca. Ah. Tu as vu ce film? Non, mais ça ne saurait tarder. Avec Michel Larocque et Gérard de Bourdin. Burke. J'adore inventer des noms de Jean-Gérard de Bourdin. Burke. J'adore inventer des noms de Jean-Gérard de Bourdin. Burke. Nous sommes arrivés, tout couloir, à une heure d'émission. Nous sommes arrivés, tout couloir, à une heure d'émission. C'est fini. Nous sommes arrivés, tout couloir, à une heure d'émission. C'est fini, oui. Au revoir. À bientôt. À bientôt. À la semaine de prochaine, je pense. Mais plus abouti. Avec plus ou moins de matière. Plus abouti. Plus abouti, oui. C'était un plus essai. Abouti, oui, plus complet. Elle aura mieux préparé les choses, je dis ça à chaque fois. Elle aura mieux préparé les choses, je dis ça à chaque fois. Ouais, mais là, il y a eu la grève des trains. Bon, là. Écoute, ça a saturé parfois, mais je pense que c'est pas grave. Ça a saturé quand. Avec certains personnages, en fait. Ah ouais, les volumes, c'est bon. Ouais. Quand tu faisais Michel Leb, là, c'était fort, je crois. Ah ouais. Bon, on verra. On a vraiment une heure ?